Gros, on va parler de sport un peu, même si on est en plein dans la crise COVID-19, il y a pratiquement pas de sport, donc c'est pour ça qu'on fera pas beaucoup de podcasts au cours des prochains jours, des prochains mois. Mais il y a une nouvelle quand même importante qui est tombée au cours des. C'est vendredi que ça a tombé. Rob Gronkowski a signé un contrat avec la WWE. On va parler avec notre spécialiste de lutte, Fred Gagné. C'est le Fred. Salut mon ami, comment ça Ça va? va bien, ça va bien, malgré cette crise qui secoue le monde, le monde en général. J'ai rarement vu ça, hein? Ben oui, effectivement, ça a changé la game là. En fait, là, c'est pas compliqué pour le volet sport. On pensait pas que ça nous toucherait jusqu'à temps qu'on annule La les NBA. événements ou qu'on les présente avec pas de public. Ouais, effectivement. Puis là, c'est fait tôt. Là, pour le moment, il y a l'UFC et la WWE qui semble-t-il, va poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que tu sais si le fameux au mois d'avril, là, WrestleMania. ouais, va être disputé devant sans spectateurs? Parce que s'il est disputé, ça va être à huis clos. Ben, écoute, on est supposé de faire ça dans le sud des États-Unis. Plus les jours avancent, plus les chances sont faibles que ça se fasse devant public. Mais ça reste que c'est le WrestleMania, là, pour WrestleMania, c'est comme le Super Bowl pour les Américains en matière de lutte. Là, t'as deux choix. Ou ben donc, ils font pas, puis tout le monde perd de l'argent, mais en même temps, ils n'auront pas le choix. Ou ben donc, ils font sans public. Et là, pour ceux qui disent, ouais, mais c'est niaiseux de faire un événement de lutte sans public, faut savoir qu'ils l'ont déjà fait. En réalité, vendredi passé, un des shows hebdomadaire de la WWE, parce que t'as Raw, t'as SmackDown, t'as NXT, vers le vendredi soir, c'est SmackDown. Et ils l'ont fait dans leur centre de performance où ils entraînent la relève. Et au lieu de faire ça dans une arena comme d'habitude le vendredi, ils ont fait ça dans leur centre de performance sans public. Donc, ils ont fait ça en direct. Il y a eu des combats, il y a eu des entrevues. On a rediffusé des matchs aussi qui avaient été passés la semaine d'avant, mais en gros, on a fait de la lutte en direct sans public. Donc maintenant, ce qu'on comprend selon les dernières rumeurs, c'est que peut-être que pour le prochain mois, la lutte va continuer d'offrir de la lutte à la télé, mais probablement dans des studios de télé où il n'y aura pas de public. Je vous dis, c'est spécial C'est parce que la spécial, mais c'est mieux que foule. rien. C'est mieux que rien parce que là, c'est plate en tabarouette. Puis il va se passer des. Là, on parle pas, là, mais il va se passer des drames humains tantôt, là. T'sais, Ben, en tout cas, ça prend des divertissements. Ça prend du divertissement un peu. Netflix, c'est bien beau, là, mais à un moment donné, il y a d'autres choses, là. Ben, en tout cas, comme tu dis, c'est tannant pas mal. Puis, tu sais, je voyais RDS hier qui te présentait du hockey de jeux vidéo. On a fait des simulations avec le Canadien et les Ducks. C'était drôle d'écouter 5 minutes, là, mais après ça, à un moment donné, tu te disais quelle sorte de patente c'est ça. Évidemment, il y a des postes de sport qui vont diffuser Des des classiques. matchs, des classiques. Puis ça fait correct pendant un bout, en passant, là, on peut se démerder avec ça. Puis pour la lutte aussi, ils ont des archives, mon ami, là, incroyables, là. Puis ils ont déjà recommencé à repasser des archives dans certains cas. Mais eux, ils se disent que bon, tant qu'à payer les lutteurs, tant qu'à payer pour des locales, ben au pire, si les fans embarquent, puis si on verra en temps et lieu, on va diffuser de la lutte sans spectateur. Donc, ça veut dire qu'aux caméras, c'est cadré plus serré. Les gars, faut qu'ils roulent un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement aller chercher l'interaction de la foule. Donc, les matchs sont peut-être un peu plus courts, un peu plus intenses, mais ça va être ça. Gronk, dans la WWE, c'est pas surprenant, ça fait un an qu'on entend parler. Tu penses quoi de ça? Ben écoute, j'ai hâte de voir. Ça peut être aussi bon que mauvais. Rob Gronkowski, l'ancien des Pats qui a gagné le Super Bowl plus d'une fois. Tu sais, il est pas vieux, là. C'est un gars qui a quoi, 30 ans? Peut-être que pour le football, c'était terminé pour lui, mais pour la lutte, à 30 ans, t'es encore bon. Puis la lutte, tout dépendant de ton horaire, tu sais, ils sont capables de t'alléger ça. C'est moins dur pour le corps. Quand tu sais à l'avance tes limitations physiques. Donc, maintenant, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être moins bon? Il faut savoir que Rob Gronkowski, c'est un gars qui aime la lutte. C'est un gars qui a déjà fait partie de WrestleMania une fois pour faire une apparition. Il avait aidé dans le scénario un de ses chums qui s'appelait Mojo Riley à gagner une bataille royale. Il a fait il y a 3 ans une apparition. Donc, les gens de la lutte le connaissent déjà. On sait qu'aux États-Unis, Gronkowski et les Pats, il est très connu. Maintenant, il y a juste une question qui demeure, c'est es-tu legit? Legit, ça veut dire es-tu un gars, un athlète légitime? Autrement dit, est-ce que quand ça va être le temps de le faire lutter, il va être bon? Maintenant, les gens qui pensent que c'est truqué et tout ça vont faire un maudit saut parce que T'as beau savoir que la lutte s'est arrangée, oui, mais il reste qu'il faut que tu apprennes à te déplacer, il faut que tu apprennes à raconter une histoire physiquement, il faut que quand tu te déplaces comme un lutteur et non pas un receveur de passe. T'sais, y a beaucoup de choses là-dedans et je voyais il y a quelques mois l'arrivée de l'ancien du UFC, Cain Velasquez, Ben, il y a une qui était un différence, des... ça. Il y a une différence entre les UFC, puis tu sais, l'arrivée de Ronda Rousey, l'arrivée de Cain Velasquez, puis l'arrivée de Gronk, là, un niveau Ouais. philosophique, hein? Pas philosophique, mais au niveau Mais ça, physique, là. dépend, ça dépend. Tu sais, moi, Cain Velasquez, j'ai plus ou moins aimé ça, puis il s'est fait OK. mal, fait que ça a pas aussi bien été qu'on pensait. Ronda Rousey, qui a été très bonne avec la WWE, d'ailleurs, qui on dit, la rumeur veut qu'on la ramène pour un soir à WrestleMania. Puis t'as des gars du football qui ont quand même bien fait. T'sais. Souvenez-vous, Lex Luger, bon, c'était pas un grand lutteur, mais a joué avec les Alouettes. Ouais. Bill Goldberg, c'est un ancien des Falcons d'Atlanta. Brock Lesnar a joué au football un peu entre ses deux bouts avec la WWE. Il y a plein de gars qui ont joué au football avant d'arriver Roman Reigns aussi. Donc, ça peut se faire. Maintenant, c'est du cas par cas. Moi, il est grand, il est carré, il est charismatique. C'est un drôle de pistolet. Donc, tu sais, il y a déjà un personnage. Maintenant, va-t-il être bon? Ça, j'en ai aucune idée. En théorie, c'est un bon coup pour la Ben WWE. oui, c'est ça. S'il est pas bon, inquiète-toi pas, ils vont le tasser assez rapidement. Ben, c'est un coup de marketing, en fait, là. Oh Ouais. oui. Ouais, mais tu sais, des fois, ils vont aller chercher, exemple, des présentateurs télé ou des vedettes du showbiz américain pour faire des apparitions. Là, la différence, c'est qu'ils vont le chercher pour avoir des interactions physiques. Là. Ils ont vraiment l'intention de le faire lutter, je dirais à temps partiel, peut-être pas à temps plein. Donc là, ils vont vraiment voir physiquement ce qu'il est capable de faire. Puis comme je te dis, si ça marche, tant mieux. C'est un ajout de plus, c'est un gars connu. Si ça marche pas, bon, ils vont dire, mon pit, merci d'être passé. Fred, un gros merci. On t'écoute sur les ondes de Radio X à compter de 11h30 sur ma question du COVID-19. Nous, on va s'en reparler probablement au WrestleMania aussi. Il y a une nouvelle importante, on s'en parle. T'as mis Salut mon Fred homme. Gagné de Radio X.